Mesdames, Messieurs de l'Académie, la mode est aujourd'hui à la lamentation sur le déclin français. Et dans le discours morose des Cassandres de toutes obédiences, le déclin de la langue française tient une place privilégiée. On ne peut certes nier que notre langue, après avoir connu des périodes glorieuses, soit désormais entrée dans un temps de difficultés et de défis surtout. Il y eut les siècles de splendeur, le XVIe avec l'édit de Villers-Cotterêts qui vit le français supplanter le latin et devenir langue du royaume, puis le XVIIIe siècle où le français brilla d'un éclat tout particulier, rayonnant dans toute l'Europe. C'était alors la langue des diplomates, celle dont usaient aussi tous les grands souverains, Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie, Gustave III de Suède. Ces chefs d'État s'exprimaient, lisaient et correspondaient en français, et leurs cours étaient les hauts lieux de l'art du siècle, celui de la conversation qui ne pouvait alors être que française. Voltaire a dit les raisons de l'universalité de la langue française dans son dictionnaire philosophique. De toutes les langues de l'Europe, la française doit être la plus générale, parce qu'elle est la plus propre à la conversation. Elle a pris ce caractère dans le peuple qui la parle. L'esprit de société et le partage naturel des Français, c'est un mérite et un plaisir dont les autres peuples ont senti le besoin. L'ordre naturel dans lequel on est obligé d'exprimer ses pensées et de construire ses phrases répand dans notre langue une douceur et une facilité qui plaît à tous les peuples. Et le génie de la nation, se mêlant au génie de la langue, a produit plus de livres agréablement écrits qu'on n'en voit chez aucun autre peuple. La liberté et la douceur de la société, n'ayant été longtemps connues qu'en France, le langage y a reçu une délicatesse d'expression et une finesse de naturel qu'on ne trouve guère ailleurs. Voltaire ajoutait plus loin, c'est une pléiade d'écrivains qui a été le mérite de la France, son seul mérite, son unique supériorité. C'est un petit nombre de génies sublimes et aimables qui font qu'on parle français à Vienne, à Stockholm et à Moscou. La perfection de la langue et son influence ne risquait-elle pas de s'étioler ou d'être comme d'autres langues l'ont été avant elle corrompues? Rivarol posait cette question à l'Académie de Berlin dans son discours fameux sur l'universalité de la langue française, prenant pour exemple, combien curieux pour nous aujourd'hui, l'Angleterre, dont il soulignait le double déclin, celui de la littérature, donc de la langue, et celui de la prépondérance dans le monde. Mais il écartait fermement la perspective d'un destin semblable pour la langue française et pour son autorité dans toute l'Europe. Pourtant, l'époque que nous vivons semble condamner cet optimisme. Après des siècles de splendeur, notre langue est entrée, impossible de le contester, dans une période sombre où sa perfection, dont Voltaire et Rivarol s'enchantaient, a été minée, corrompue, tandis que l'anglais prend chaque jour davantage son relais comme langue de communication, menaçant de devenir un jour langue universelle. La crise incontestable, mais non le déclin tout de même, du français dans notre pays, où le génie national fut si durablement mêlé au génie de la langue, et hors de France où, forcé de l'admettre, l'usage du français régresse dans les lieux de pouvoir qui ont succédé aux cours, et plus encore dans la diplomatie et les instances internationales, cette crise donc justifie peut-être la déploration, mais surtout elle devrait inciter à la réflexion. Pourquoi maltraite-t-on le français dans notre pays? Le vocabulaire se réduit. On ignore la grammaire et la syntaxe. La phrase n'est le plus souvent qu'une simple juxtaposition de mots employés hors de leur sens, ou d'anglicisme inapproprié, ou encore d'un nouveau vocabulaire qui évoque irrésistiblement la novlangue d'Orwell, fondée comme elle sur des critères de correction politique. Les mots utilisés couramment s'éloignent toujours plus de la réalité qu'ils nomment. L'école qui a pour mission de transmettre la langue et la littérature aux adultes de demain admet, hélas, que ses élèves apprennent le français en écoutant Skyrock ou Fun Radio, plutôt que dans les textes d'Anatole France et de Colette. Mais il est vrai, nous dit-on, que les dictées et les récitations sont des exercices qui blessent la liberté des élèves. Pour ces raisons, Montaigne, Rabelais, Corneille, Marivaux sont passés à la trappe des programmes, car ils sont jugés incompréhensibles aux élèves. Et l'on considère que le néo-argot des banlieues et un vocabulaire technique anglo-américain simpliste sont les meilleurs outils de communication moderne. La langue, disent les spécialistes de l'éducation, doit s'adapter à une société hétérogène, à la mondialisation, aux nouvelles technologies de communication, à la professionnalisation et surtout à la libre invention de celui qui parle, au mépris de toute règle. Il n'est donc guère étonnant dans ces conditions que ce français dégradé déconcerte et décourage tous ceux qui, hors de nos frontières, continuent à chérir notre langue. Et ils se demandent avec perplexité si elle est encore en mesure de désigner les choses, de s'adapter à un monde qui change rapidement, qui ne connaît plus de frontières et dont toutes les innovations doivent être nommées dans une langue claire et précise, ce que l'anglais semble être en mesure de faire aujourd'hui. Roland Barthes a dénoncé naguère ce qu'il nommait le mythe de la clarté de la langue française. Cette langue, disait-il, surveillée, écrite comme on a écrit le hiéroglyphique, le sanskrit ou le latin médiéval, ce qui en fait en définitive une langue embaumée. Il est donc légitime, complétait-il, que triomphe de cette langue morte une langue vivante, librement créée à chaque instant par celui qui parle, ou bien encore l'anglais qui est, au dire de ses partisans, seul apte à véhiculer la modernité. Sans doute, le français que l'on entend dans les rues et sur les ondes, que l'on découvre dans mains écrites, est-il déplorable et appauvri ? Mais l'état d'une langue ne se juge pas seulement sur la parole de la rue, sur l'oral, pas plus que l'opinion ne se mesure par les radios-trottoirs et les sondages. De même que seules des élections permettent de connaître l'état d'esprit et les volontés d'une société à un moment donné, ce sont les dictionnaires qui rendent compte de l'évolution réelle des langues. Ils en sont les véritables bulletins de santé. C'est pourquoi, pour répondre à Barthes et à tous ceux qui, avec lui, annoncent haut et fort le dépérissement du français, je veux fonder mon propos aujourd'hui sur la grande entreprise que Richelieu avait confiée à l'Académie, son dictionnaire, référence de tous les autres dictionnaires. Et je veux montrer que le discours pessimiste et parfois haineux sur l'embaumement ou l'inadaptation du français au monde moderne découle de son ignorance. Notre langue aujourd'hui n'est ni embaumée, ni inadaptée au monde du progrès constant, mais tout au contraire, elle rend compte avec une force et une précision étonnantes d'un univers bouleversé où jamais il n'y eut autant de réalités nouvelles à nommer. L'Académie travaille actuellement à la 9e édition de son dictionnaire, et tout le monde d'ailleurs s'interroge sur ce qu'est ce dictionnaire et combien de temps il faut pour le rédiger. Il est d'usage, et ce n'est pas scandaleux, de railler la lenteur de ses travaux. Le premier à le faire fut Louis XIV, qui exaspérait une rédaction interminable. Et il est vrai que si l'on calcule le temps consacré par l'Académie depuis sa fondation en 1635 à éditer un dictionnaire, on constate qu'il y faut 46 ans en moyenne, c'est-à-dire à peine 2 éditions par siècle. L'histoire ne cesse de s'accélérer. Le monde est prodigue de nouveautés qui se transforment très vite. Les dictionnaires, dont la mission est de consigner ces changements souvent vertigineux, doivent, sinon aller de pair avec eux, du moins, hâter leur rythme de publication. Certes, une langue n'est pas un conglomérat de mots à la mode qui traverse de manière fugace la vie des sociétés. Et un dictionnaire, celui de l'Académie avant tout, témoin de l'usage, du bon usage, doit prendre le temps de vérifier l'aptitude d'un mot à rendre compte du réel ou d'une idée, à plaire à ceux qui l'utiliseront et à vivre durablement. Le dictionnaire de l'Académie ne pourrait remplir ce rôle de greffier de la langue, et non, je veux le préciser, de conservateur. Car la langue n'est pas un musée, elle est la vie. S'il était une publication de court terme, la durée lui est nécessaire, mais cette durée est en train, comme la langue elle-même, de se modifier. Si 57 ans séparent la 7e édition du dictionnaire publié en 1878 de la 8e, qui célébra en 1935 le tricentenaire de la fondation de l'Académie, si 57 ans encore séparent l'édition de nos prédécesseurs du premier tome de la nôtre en 1992, c'est-à-dire il y a tout juste 14 ans, le rythme et la nature même du dictionnaire ont été depuis lors bouleversés. Avant de l'expliquer, je veux saluer ici l'œuvre visionnaire de celui qui aura pensé et voulu ces bouleversements, c'est-à-dire l'adaptation du dictionnaire, de l'outil privilégié de la langue française au temps présent, mon prédécesseur Maurice Druon, aujourd'hui secrétaire perpétuel honoraire, qui durant 15 années aura engagé et accompagné ce mouvement qui est désormais irréversible. Parlons d'abord du changement de rythme. Le tome 2 du dictionnaire aura paru en décembre 2000, c'est-à-dire 8 ans après le premier. Le troisième sera mis sous presse au cours de l'année 2008. Il restera encore un dernier tome qui devrait être achevé dans un délai semblable. Le temps séparant deux éditions serait ainsi réduit de moitié par rapport au passé. Mais bien plus que ce gain de temps spectaculaire, c'est l'ampleur du dictionnaire qui éclaire sa transformation. Toutes les éditions précédentes comptaient deux volumes. L'augmentation extraordinaire du vocabulaire étudié et retenu a eu pour conséquence que l'édition en cours se compose de 4 volumes. Et que dire du nombre de mots ? Les deux tomes de 1935 contenaient environ 35 000 mots. L'édition que nous préparons sera riche de plus de 55 000 mots. Tous les dictionnaires sont confrontés à un même problème, celui de l'enrichissement constant de la langue. Mais comme ils sont généralement contraints de garder d'une édition à l'autre une dimension identique, ils doivent se débarrasser de très nombreux mots, jugés périmés, pour faire place aux mots nouveaux. Le dictionnaire de l'Académie, qui n'est pas soumis à des exigences commerciales, a pu adapter à sa guise ses dimensions aux évolutions de l'usage. Et il a hésité à chasser des mots pour faire place à d'autres. Il a voulu retenir tous ceux qui appartiennent au patrimoine de la langue et qui éclairent sa longue histoire. Il y a 12 ans, sous cette même coupole, notre confrère Bertrand Poirot-Delpech évoquait, je le cite, « le balai accéléré des entrées et des sorties de mots ». Nous avons beau conserver par principe les vocabulaires en usage au siècle dernier afin que les chefs-d'œuvre restent accessibles et compréhensibles, il nous faut éliminer des centaines de mots dont l'usage ne justifie plus le maintien. Ces disparitions crèvent le cœur. Elles font l'effet de sacrifier une substance vivante. Et les entrées sont des décisions bien plus gaies à prendre, encore qu'elles fassent renaître un clivage constant depuis 3 siècles, entre les puristes, partisans d'une langue châtiée, ce qui ne veut pas dire châtrée, et les laxistes pour qui les inventions de la rue doivent être admises sans délai. Le balai, évoqué par Bertrand Poirot-Delpech, donne toujours lieu à des compromis, reflet de l'esprit de tolérance qui plane sur notre compagnie. Parce qu'il doit être tout à la fois le greffier de l'usage, le témoin de l'histoire et celui du changement, le dictionnaire de l'Académie aura donc presque doublé de volume. En consacrant ainsi un très grand nombre de mots nouveaux, l'Académie répond aux exigences du temps, mais aussi elle se montre fidèle à sa tradition. Fénelon, qui y siégeait au XVIIIe siècle, avait écrit à ses pairs dans une lettre célèbre, je le cite, « Je voudrais autoriser tout terme qui nous manque et qui a un son doux, sans danger d'équivoque. » Ajoutant qu'il fallait aussi emprunter les mots nécessaires à l'étranger pour enrichir à chaque instant la langue, et il prenait pour cela, en exemple, la langue anglaise qui pratiquait de tels emprunts. Le bon usage d'aujourd'hui suit ses recommandations et accueille d'innombrables mots nouveaux. Tout d'abord, ceux qui rendent compte de la civilisation matérielle contemporaine, par exemple aérosol, décodeur, billetterie, ergonomie, ou encore des mots qui traduisent des réalités politiques ou sociales nouvelles, illettrisme, mafieux, machisme, énarque, génocide, holocauste. Mais on y trouve aussi des mots plus familiers, allant parfois jusqu'au langage qu'invente la rue, comme entourloupé ou gamberger. Le dictionnaire, constitué par ces magistrats de la langue que sont les académiciens, ne craint pas davantage d'accueillir des mots populaires, bagnole, arnaqueur, dragueur, ou encore d'élargir son registre argotique avec flingue, loubar, cam, dope, joint, je pourrais multiplier à l'infini ces exemples. Sans doute, tout n'est-il pas acceptable. C'est le bon goût qui commande les choix et qui indique, selon le mot de Jean Cocteau, qui siégea parmi nous autrefois, jusqu'où on peut aller trop loin. C'est en vertu de ce principe que des mots tels que chialer, je m'en foutisme ou encore nana ont été refoulés. De même que l'abominable néologisme cher aux publicitaires, positivé. La langue française s'enrichit aussi de nombreux mots étrangers. Dans le dictionnaire de 1935, on ne trouvait que 35 mots commençant par la lettre K, presque tous d'ailleurs d'origine étrangère. Ils sont près de 200 aujourd'hui, empruntés à l'anglais, comme ketchup ou knockout, à l'allemand, tel kitsch, mais aussi au russe, kalachnikov ou kolkhoz, au japonais, kamikaze ou kabuki, à l'arabe ou turc et à bien d'autres langues encore. Toutes les lettres de l'alphabet attestent de ces emprunts qui rendent compte de réalités nouvelles et d'un langage rénové. Aux mots de la vie actuelle, aux mots étrangers, vient s'ajouter désormais, et ce n'est pas le moindre signe de modernité de la langue française, un vocabulaire scientifique et technique dont Paul Valéry avait déjà entrevu qu'il allait s'imposer à la langue. Car, écrivait-il, l'accroissement du nombre de mots techniques presque indispensables dans la langue de l'usage est la mesure du changement de siècle du 19e au 20e. La particularité de ce vocabulaire nouveau est qu'en des temps d'innovation permanente, les termes qui en rendent compte sont pour l'essentiel comme les inventions d'origine étrangère ou en tout cas exprimées en anglais. Cela signifie-t-il que désormais chaque pays devra avoir deux langues juxtaposées, la sienne et celle de la modernité scientifique et technique, c'est-à-dire l'anglais ou un jargon anglicisé? C'est ce rejet du français hors de la sphère de la modernité que la France a refusé d'accepter. Et l'unité de la langue, sa capacité à servir de véhicule au progrès scientifique, ont été organisées systématiquement. L'instrument de cette entreprise inédite, révolutionnaire même, pour franciser, naturaliser en français un vocabulaire étranger immense et chaque jour augmenté, est une coalition d'institutions décrite dans le décret du 3 juillet 1996 portant sur l'enrichissement de la langue française. En fonction de ce décret, presque chaque ministère a été doté d'une commission de terminologie qui recense, examine et suggère un équivalent français et une définition en français des mots étrangers relevant de sa compétence. On y trouve tout, la chimie, l'informatique, le nucléaire, la mécanique, les travaux publics. Je ne pourrais tout énumérer. Cet immense travail est ensuite présenté à la Commission générale de terminologie et de néologie qui est auprès du Premier ministre et qui est présidée par un membre de l'Académie française jusqu'à cette année, Gabriel de Breuil. Marc Fumaroli vient de lui succéder. En dernier ressort, il revient à l'Académie française de décider du sort de chaque mot élaboré au cours de ce processus et de vérifier le bon français de chaque définition. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'une invention bureaucratique, ni d'un machin, comme dit le général de Gaulle, mais d'une expérience révolutionnaire, puisqu'il s'agit de créer le français des sciences et des techniques et d'en faire une part intégrante de notre langue au XXIe siècle. Jamais le français n'aura été autant bouleversé et enrichi. En 2006, les académiciens qui élaborent le dictionnaire, plus précisément le petit noyau d'académiciens qui travaillent au sein de la commission du dictionnaire, ont dû ainsi se prononcer sur 600 mots de cette nouvelle langue et les avis qui leur sont demandés ne cessent d'augmenter, menaçant de tourner à l'avalanche. Les mots approuvés sont ensuite publiés au journal officiel et l'usage en devient obligatoire pour l'État et pour toutes ses institutions. Pour autant, le dictionnaire n'adopte pas, et de loin, tous les termes que l'Académie a ainsi entérinés, et il abandonne nombre d'entre eux aux spécialistes. Pour que les mots neufs, reflets des progrès en tout domaine, soient inscrits dans le registre du bon usage, il faut qu'ils soient bien construits, qu'ils dépassent l'univers des jargons professionnels pour pénétrer dans la langue courante et qu'ils s'y installent, confirmés par la durée. C'est en vertu de ce parcours des mots que baladeur a supplanté Walkman, numérique a été préféré à digital, libre-service remplace self-service, ou encore que l'on dira ristourne au lieu de discount. Beaucoup de mots scientifiques et techniques n'ont pas encore trouvé leur place dans l'usage courant, malgré la bénédiction que leur a donnée l'Académie, car la résistance des mots anglais est très forte. Mais les hommes politiques, par exemple, découvrent qu'option sur titre est une expression bien plus compréhensible que stock option. Qu'ils persévèrent dans cette découverte, et il est fort à parier que l'expression s'imposera. Cela signifie que l'avenir de la langue française est l'affaire de tous ceux qui disposent d'une autorité, d'un moyen de communication, du prestige. Que l'avenir de la langue française est l'affaire de chacun d'entre nous à sa place, avec ses moyens. Si nous en sommes conscients à chaque instant, notre langue continuera à s'imposer et à gagner du terrain. Enrichie, modernisée, adaptée progressivement à l'explosion de disciplines exprimées d'abord en anglais, la langue française témoigne, on le voit, d'une extraordinaire vitalité. Mais le dictionnaire de l'Académie peut-il, en raison de son ambition même, qui lui impose de longs délais de préparation, servir encore de référence ? Il le peut, sans aucun doute, car il s'appuie désormais sur une autre innovation qui permet sinon de faire paraître une édition en un temps très court, du moins de tenir à jour le registre de la langue. L'Internet, où l'Académie a ouvert un site il y a 8 ans déjà, répond à cette nécessité. Le texte du dictionnaire y est mis en ligne au fur et à mesure de l'avancement des travaux, c'est-à-dire que les 3/4 du tome qui paraîtra en 2008 sont déjà consultables. Plus encore, la version électronique de cette 9e édition incorpore progressivement tous les mots qui n'y figuraient pas, soit parce qu'ils n'existaient pas encore lorsque les tomes précédents furent publiés, tel est le cas de courriel ou de CD-ROM, ou bien encore parce que ce sont des mots qui ont été négligés d'abord, mais qui, après quelques années, se sont imposés, car le temps en aura confirmé l'usage. Cette mise à jour permanente grâce à l'électronique confère au dictionnaire et aux travaux de l'Académie une actualité et une efficacité qu'ils n'eurent jamais dans le passé. On voit bien que la vieille dame du Quai Conti vit avec son temps. Enfin, des mots et expressions de la francophonie ont été aussi pour la première fois accueillis dans le dictionnaire et inscrits, donc comme cela était naturel, dans le bon usage. Ils n'y figurent pas encore en nombre suffisant, mais on peut le regretter, surtout pour l'Afrique, car là naissent quotidiennement d'innombrables mots et expressions colorés, savoureux, étonnamment évocateurs, dont la richesse est indispensable à notre langue pour y compenser l'apport d'un vocabulaire technique et scientifique qui pourrait, par la place croissante qui lui est donnée, enlever aux Français l'aménité, la variété et la grâce que depuis des siècles on a tant loué. La vision planétaire de la langue adoptée par l'Académie nous conduit tout naturellement à la francophonie. Il faut rappeler d'abord que si ce mot fut inventé à la fin du XIXe siècle par un géographe français, Onésime Reclus, sa fortune fut assurée après la Seconde Guerre mondiale, non par des Français, mais par des hommes qui avaient partagé notre langue au temps de l'Empire. Léopold Sédar Senghor, qui fut notre confrère, Habib Bourguiba, Amani Diori, le prince Norodom Sihanouk. La francophonie était pour eux un projet politique, une volonté de dépasser l'opposition entre peuple puissant et peuple soumis par la fraternité spirituelle que crée la langue française, accessible à tous. Dans l'esprit des pères de la francophonie, elle était tout à la fois un symbole d'unité spirituelle, de solidarité entre hommes de civilisation et de développement différents, et un appel à la liberté face à la logique coloniale. Dès sa naissance, la francophonie a été une idée subversive. Et pour Léopold Sédar Senghor, il l'a toujours répété, elle était un idéal, elle n'était pas une idéologie. C'est cela qui explique qu'en un siècle où les idéologies s'effondrent dans un mépris général, la francophonie n'y rayonne et attire tous les peuples qui s'émancipent. Boutros Boutros-Ghali, qui était il y a peu encore secrétaire général de la francophonie, disait que jamais la langue française ne connut un destin aussi exceptionnel qu'en ce siècle. Au XVIIIe siècle, elle était certes la langue de toute l'Europe, mais d'une Europe particulière, relativement restreinte, celle des cours et des salons, de la République des lettres et des élites. En ce XXIe siècle commençant, le français est devenu la langue de sociétés entières, celle des chefs d'État certes, mais aussi du petit marchand de rue de Brazzaville et du cireur de chaussures de Marrakech. Et celui qui a conversé avec l'un de ces personnages modestes est émerveillé en entendant le français le plus châtié, mais aussi le plus ravissant qui se puisse imaginer. C'est qu'en Afrique, la langue française n'a cessé de s'épanouir, de s'adapter au monde avec une perfection que l'on doit aussi bien à l'agrégé de grammaire Léopold Sédar Senghor qu'au plus humble de ses compatriotes. Et cet amour du français rayonne sur tous les continents. Il y a quelques semaines à peine, les grands prix littéraires, grand prix du roman de l'Académie française, prix Goncourt, prix Femina, prix Renaudot, d'autres prix de l'Académie, ont couronné des écrivains américains, canadiens, africains, slovènes aujourd'hui, qui ont tous choisi d'écrire en français, alors que ce n'était pas la langue de leurs origines. La francophonie connaît aujourd'hui un nouvel élan sous l'impulsion d'un grand Africain, le président Abdou Diouf. On lui doit d'avoir dit qu'elle ne pouvait être un simple élargissement à tout pays, fasciné par cet ensemble dont la diversité et l'universalisme font un puissant pôle d'attraction. Que l'adhésion à des idées respectables, certes, droits de l'homme, liberté, solidarité, ne suffit pas à justifier l'entrée dans la famille francophone. Le ciment de cette famille, le critère d'appartenance est, il le répète sans cesse, la langue française. Les peuples qui veulent rejoindre la francophonie doivent pratiquer cette langue, l'enseigner et l'utiliser dans toutes les enceintes où le recours à une langue étrangère est la règle. Avocat passionné d'une francophonie fondée d'abord et avant tout sur le partage d'une même langue, le français, Abdou Diouf a posé un principe qui paraissait aller de soi, mais qui est en réalité novateur, ou en tout cas qui n'avait pas été appliqué, que la francophonie implique des comportements francophones, notamment qu'au sein de toutes les instances internationales, les représentants des États membres de la francophonie, qui ne peuvent faire usage de leur langue, doivent toujours s'exprimer en français. On imagine les effets de cette exigence sur les institutions de l'Union européenne, où l'on a suffisamment déploré le recul de la langue française au bénéfice de l'anglais. Son élargissement récent aux États de l'Europe de l'Est et des Balkans a pour conséquence que l'Union européenne rassemble désormais 13 pays francophones sur 25 États membres, c'est-à-dire que les francophones y détiennent la majorité absolue. Nul n'ignore le coût croissant des traductions dans cette tour de Babel, et on en prend prétexte pour recourir toujours plus à l'anglais, en attendant, espèrent certains, d'en faire la langue commune de tous les Européens. La situation majoritaire depuis cette année des États de la francophonie en Europe change tout. Non seulement ils sont prêts à exiger, et ils le font, que la langue qui les unit retrouve toute sa place dans les instances européennes, mais ils portent aussi un message d'espoir pour d'autres langues du continent, car c'est là l'autre aspect de la francophonie, inséparable d'elle, la revendication de la diversité linguistique au nom du respect de toutes les langues et de toutes les cultures. Refuser l'uniformisation par la langue anglaise implique en effet que l'on défende la pluralité linguistique. Abdou Diouf, toujours lui, doit aussi être crédité d'une autre exigence capitale, celle qui porte sur la définition du français. Le chef de file de la francophonie martèle que la langue française est une. Sans doute bénéficie-t-elle de l'apport de cultures différentes dont les traditions, les usages, les vocabulaires l'ont enrichi et continueront à l'enrichir. Mais cet enrichissement doit s'accomplir au sein de la langue française, en respectant sa structure, sa logique, son génie. Clamer, comme l'a fait récemment un linguiste dont je tairai le nom, car ce n'est pas le lieu ici de polémiquer, qu'il faut, je le cite, mettre en cause ce monolinguisme arrogant auquel se résume en France l'amour de l'idiome national, mettre en cause le repli morose qui commence par le purisme, rejette les innovations orthographe, féminisation, mépris des parlers régionaux, pour finalement, je continue à citer, abandonner la souveraineté nominative de la langue et échanger le nationalisme langagier contre la fraternité internationale des parlures françaises. Non, le français n'est pas une langue arrogante, ni une langue figée par un purisme exigeant. C'est tout au contraire une langue ouverte, une langue qui ne rejette aucun apport, aucune innovation, dès lors qu'il s'inscrive dans le mouvement qui la fait vivre. Mais ce ne peut être une langue éclatée. Ce n'est pas une auberge espagnole où chacun installe son parler, voire, comme le dit notre linguiste impudent, ses parlures. L'unité de la langue, enrichie d'apports innombrables, toujours en mouvement, constitue le bon usage de la francophonie prônée par Abdou Diouf. On voit ici ce que notre langue doit aujourd'hui à l'action énergique, remarquable de ce Sénégalais amoureux de la langue française qui l'a brandi comme une épée de feu sur tout le globe terrestre. Grâce à lui, la menace d'une Europe anglophone recule et le français malmené dans son pays d'origine retrouve en affirmant son unité et sa dignité, sa vocation universelle. Mais la promotion du français aura d'autant plus d'effet qu'elle ne s'effectuera pas contre l'anglais, qu'elle ne sera pas défensive, mais qu'elle se fera au nom de la diversité linguistique, du progrès simultané des autres langues, italien, allemand, espagnol ou russe, qui elles aussi portent le génie et l'identité nationale de ceux qui s'en réclament. Le rejet d'un monde uniformisé autour d'une seule langue est générale, et la francophonie en est l'incarnation la plus visible. Mais c'est son ouverture aux autres langues, le soutien généreux qu'elle leur apporte, qui rend son plaidoyer pour la langue française si convaincant et qui contribue à lui assigner un rôle décisif dans le monde moderne. On a trop dit que la modernité ne pouvait se dire qu'en anglais. Le mouvement qui pousse vers la francophonie les peuples qui s'émancipent d'une tutelle étrangère, qui veulent tout à la fois affirmer leur identité, promouvoir leur culture et accéder aux progrès matériels, témoigne que pour eux, la modernité se parle, se chante, se danse en français. L'effort de modernisation de la langue qui s'accomplit en France et qu'enregistre le dictionnaire de l'Académie témoigne qu'il ne s'agit pas là d'un espoir fallacieux. C'est pourquoi, plutôt que de grossir la cohorte des esprits chagrins pleurant sur une langue qu'ils croient en déclin, il faut constater avec tous les francophones du monde que comme le XVIIIe siècle, le XXIe siècle est et sera français. Il l'est par l'amour que tous les francophones portent à notre langue, par le respect et l'attention qui lui témoignent, et parce que, comme le disait Victor Hugo, le français est la langue qui s'est donnée à l'humanité. Merci.